François Morel, à vous. Bonjour, la rentrée 2019 ne se présente pas au mieux. La forêt brûle, les nationalistes partout gagnent du terrain, le réchauffement climatique devient affolant, tout va mal, le monde est en guerre, en Syrie, au Yémen, crise à Hong Kong, guerre commerciale entre Pékin et Washington, guerre du vin entre Washington et Paris, guerre familiale chez les Mouax. Qui a voulu tuer l'autre? Qui était le bourreau? Qui courait dans l'appartement en criant « Je vais te saigner comme un goré !» Le père ou le fils, déguisé en martyr, tortionnaire de son frère, on ne se prononce pas, on n'y était pas. Quand même, je serais Bernard Pivot, je donnerais le Goncourt à Alexandre Mouax pour faire chier son frère et faire rebondir le feuilleton. Oui, partout, la violence, l'angoisse, le mal, et puis, catastrophe des catastrophes, paroxysme du malheur, comble des calamités, la faim, sur France Inter, des lumières dans la nuit. Le départ d'Edouard Baird de nos dimanches soirs consolateurs avant le traumatisme violent de nos lundis matins. Si le gouvernement avait vraiment du courage, il déciderait de manière solennelle et définitive la suppression concomitante des dimanches soirs et des lundis matins, afin que cesse ce va-et-vient nocif entre le chaud et le froid, entre l'inquiétude et la désolation, cet aller-retour incessant entre la lumière et la nuit, le bonheur et le désespoir, l'éclair dominical du génie et les ténèbres du quotidien, la félicité rayonnante et l'accablement consternant des lundis matins, avec son cortège d'anxiété, de détresse épouvantée. Alors, pour ne pas succomber au désarroi ou à la dépression, le mieux est de prendre son courage à deux mains, mon cousin, de sortir de chez soi et d'aller applaudir justement, qui ça? Mais Edouard Baird, précisément, au Théâtre Antoine, puisqu'il y présente les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Car, qu'on le veuille ou non, Edouard Baird a exactement ce qui s'appelle la grâce. Son spectacle est celui qu'il a le plus travaillé. Autant dire qu'il a dû passer au moins une demi-heure à l'écrire, trois jours à le répéter. Mais n'en déplaise aux laborieux, aux scrogneugneux, on n'y peut rien. Il souffle un vent inouï de liberté, de plaisir, de joie intense qui autorise tout. Les folies les plus extravagantes et les hommages les plus tendres à ses artistes aimés. Rochefort, Brassens, Gary et le public conquis, hilar, heureux, rigole de ses inventions. Accompagne silencieusement l'évocation du père de l'artiste, n'en moufte pas une pendant le discours sobrement lu d'André Malraux à l'occasion de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, finalement éblouit le public d'être aussi respecté par un artiste inspiré, cultivé et formidablement drôle. C'est à Paris, au Théâtre Antoine, jusqu'au 7 septembre, mais ça va se reprendre. Soyez vigilants dès que possible. Foncez le voir. On est sûr qu'Edouard Baird ne sera jamais épinglé par copie comique. Son originalité saute aux yeux, sa singularité crève le cœur. Le spectacle d'Edouard Baird ne ressemble à rien, et c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. François Morel, merci.